un peu mou, hein. C'est un peu mou. C'était un peu mou, on s'endormait. C'était vraiment une version hyper, hyper molle. Et merci. Julia, c'est ça. Trop de disto. Every breath you take, every moment. breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, I watch you, every single day, every word. Attention. Une batterie. Attention. Ready? just a castaway. And this time